Chères auditrices et auditeurs, bienvenue dans le podcast de la classe 5e 4e de la Lab School. Vous êtes sur Radio Rap TZ. Je m'appelle Margot et je suis avec Agastia et Anna pour animer cette émission. Bonjour à tous et à toutes. Pour ce podcast, pour vous plonger dans le thème, on commence en musique. J'aime les frites, je les adore, elles sont trop belles, mettez-les pas à la poubelle. Sinon, je les transforme en frites. J'aime les frites avec du ketchup, du vinaigre ou de la mayo. Ah non, pas de la mayo, c'est dégueu. J'aime les frites salées, j'aime les frites sucrées. Il faudrait les changer, je suis vraiment tannée. Des frites au chocolat, des frites aux avocats, des frites trop transformées. Je vais tout défoncer. Pourquoi t'aimes les frites? Pourquoi t'aimes les frites? Vous l'avez compris, nous allons vous parler des merveilleuses frites, croustillantes ou molles, mais délicieuses. Pour nous en parler, nous aurons un collectionneur de frites professionnelles qui est Anna, qui sera interviewée par moi-même, qui est journaliste. On aura également une intervention de Agastia sur l'impact des frites sur la santé. Nous sommes toujours en direct de Radio Rap TZ pour notre émission. Bonjour, je m'appelle Margot et aujourd'hui je suis en compagnie d'un collectionneur de frites professionnelles. Et je vais lui poser quelques questions. Savez-vous comment cuire des frites? Alors, il y a plusieurs cuissons, ça dépend. Si on les veut, si on les aime croustillantes, on va plutôt, je pense, les cuire avec, les faire frire avec de l'huile. Et puis si on les aime molles parce qu'on est une mémé et qu'on n'a pas de dentier, peut-être qu'on va les faire plutôt à basse cuisson et tout ça. Voilà, ça dépend. Savez-vous quand et pour qui les frites ont été créées? Bon alors, moi, ma culture générale, je savais qu'il y a très très longtemps... C'était là un peu leur nourriture, les pommes de terre, pas les frites. Et peut-être qu'en creusant un peu plus, ils ont découvert beaucoup de sortes, qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec les pommes de terre. Et je pense que c'est peut-être là qu'ils ont découvert les frites. Mais je ne sais pas par qui. Combien d'expérience avez-vous en tant que spécialiste des frites? Sachant que j'ai 33 ans, je dirais que j'ai 45 ans d'expérience. Très bien, merci. Merci à Anne. Ah, merci. On va maintenant aborder l'aspect santé avec Agastia. Les frites ne sont pas bonnes pour la santé parce que les frites ont beaucoup d'huile. On est d'accord que les frites sont très délicieuses. C'est l'huile qui fait que les frites sont délicieuses. Avant que les frites soient des frites, c'est une pomme de terre. La pomme de terre est coupée en des pièces longues. Il y a une bassin d'huile. Les petites pièces de frites sont immergées dans l'huile. Les frites absorbent l'huile et elles deviennent délicieuses. Et selon Hélène Rompen, diététicienne nutritionniste au centre NutriPoké de Louvenier, interviewée par le site RTL Belge lors de la journée des frites qui se passe le 1er août, les frites au four seraient meilleures pour la santé. Nous, on a eu bien la fruite pour vous proposer ce podcast. Et pour ouvrir le champ des patates vers un nouvel univers, on vous propose la recette de la purée 100% bio. Donc tout d'abord, on prend des pommes de terre issues de l'agriculture biologique, évidemment, cela va sans dire. Vous les cuisez, donc là chacun a sa cuisson, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et vous les écrasez pour que ça devienne une purée. Vous mettez de l'huile d'olive, car l'huile d'olive c'est la vie, et vous servez. Que de découvertes, c'est maintenant la fin de notre podcast. Merci de nous avoir écoutés. Vous étiez sur Radio Rap TZ avec Anna et Agastia et moi-même, Margot. Au revoir et à bientôt. Au revoir et à bientôt. Bravo. Mais comment? Super. Oh là là.